Mais ce n'est pas à ce titre que nous devons tout accepter. Dès aujourd'hui, nous n'accepterons plus de travailler dans n'importe quelles conditions. Vous nous imposez le pire et nous ne pouvons l'accepter. Vous êtes en train de tuer nos soins de santé, de tuer notre motivation et nos convictions. Il est temps que cela cesse et que cela change. Nous exigeons un refinancement des soins de santé, de mettre plus de personnel au chevet du patient pour assurer des soins de qualité, une revalorisation salariale et une véritable politique de bien-être au travail avec un arrêt du management inhumain. Il est temps de nous faire entendre. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui à la mobilisation générale des soignants. Nous appelons la population à nous soutenir. Nous sommes la base sans qui rien ne serait possible et nos revendications sont légitimes. Nous n'avons rien à perdre, tout à gagner. Ensemble, nous serons plus forts. Je trouve que les problèmes soulevés par les blouses blanches actuellement et qui devraient être soulevés par d'autres aussi, comme dans l'enseignement, dans les services sociaux, etc., sont symptomatiques d'une société capitaliste qui, en fait, est en train de transformer tous les services aux personnes en entreprises privées. Dans les hôpitaux, c'est particulièrement visible. Il suffit de voir les directions des hôpitaux qui ne sont plus du tout composées de médecins, chirurgiens, etc., mais qui sont composées de gestionnaires qui ont fait plutôt Solvay que la faculté de médecine. Et en fait, Denis vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais tout est chiffré. Et quand tout est chiffré, c'est au détriment des travailleurs. Mais c'est aussi, ici en l'occurrence, au détriment des patients, et nous sommes tous des patients potentiels ou effectifs. Et donc, en fait, ce combat-là est porté par des travailleurs qui défendent leur tartine, mais qui défendent aussi notre santé à tous. Et donc, on trouvait ça très important, parce qu'on trouvait ça symptomatique, donc, comme je vous le disais, d'un capitalisme à outrance, enfin... Quoique c'est pour moi c'est un peu redondant, mais que nous dénonçons à l'ARC. Et donc je vais pas parler très longtemps. Ce qu'on a fait nous dans notre démarche, c'est suivre ce combat-là, le suivre via Denis qui nous a d'abord expliqué la genèse, etc. On a suivi sur le terrain, on est allé dans les manifs, etc. On a récolté des paroles, on a volé des paroles à différents médias qui les avaient déjà recueillies. Et on a voulu mettre ça en avant, mettre ce combat-là en avant, mais on va... c'est pas un one-shot, c'est-à-dire qu'on va pas se contenter d'une expo et d'une soirée, on va continuer à suivre ce combat-là et peut-être aussi étendre notre réflexion à tous les services publics qui devraient le mener aussi. Voilà. Je vais passer la parole à Denis, qui est un des... qui est le fondateur, je pense, de la santé en lutte, ou un des fondateurs de la santé en lutte. En tout cas, c'est un des fers de lance du combat des blouses blanches qui va un peu vous l'expliquer. Et après, je passerai la parole au gang des vieux en colère. Parce qu'en fait, je les ai invités parce que je les ai vus dans toutes les manifs où je suis allée concernant le problème. Et je me doute bien pourquoi ils y sont. et en fait, le gang des vieux en colère, vous pourrez lire là-bas le descriptif. Il s'agit de vieillir dans la dignité, il s'agit de défendre les pensions, etc. Mais il s'agit aussi d'une grande solidarité envers les générations suivantes. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont là aussi. Et donc, ils vous en parleront. Voilà, Denis. Ah oui, je vous présente Graziella, qui est en train de faire un reportage radio. Et donc, elle va peut-être venir vers vous dans la soirée pour vous poser des questions. Vous pouvez lui réserver un bon accueil ou pas, mais toujours poliment. Un bon accueil, c'est mieux, hein. C'est la table de où on parle. Donc, je suis infirmier depuis 9 ans. Je m'appelle Denis. Je ne suis pas du tout fondateur de la Santé en lutte. On est bien sûr plusieurs, mais c'est vrai que je suis assez investi dedans. Alors, la Santé en lutte, c'est un groupement non seulement d'infirmiers et d'infirmières, mais aussi d'aides-soignantes, de travailleurs de l'entretien ménager, de brancardiers, de brancardières. C'est vraiment l'idée de rassembler tous les métiers de l'hôpital. Le mouvement des soignants a démarré, en tout cas pour l'actualité de cette période-ci, parce qu'il y en a eu plusieurs, des mouvements des soignants, a démarré lors de la grève du 8 mars. Il y avait un préavis de grève pour les droits des femmes. Et à Bruckmann, les urgences et les soins intensifs ont saisi ce préavis de grève pour rentrer en lutte. Parce qu'il y avait des conditions de travail, et toujours des conditions de travail très difficiles, des problèmes d'engagement de personnel, une pseudo-pénurie des soignants, j'y reviendrai, qui de la part des décideurs, justifie un non-engagement. Et donc le 8 mars, c'est la première, pour cette période-ci, première grève des soignants. À Bruckmann, dans le réseau IRIS, donc c'est les hôpitaux publics. Si je confonds public et privé, ça m'arrive tout le temps, reprenez-moi. Et donc ça démarre là, avec quelque part une mèche qui s'allume. Et directement, il y a Saint-Pierre, qui fait partie aussi du réseau IRIS, qui rentre également dans la lutte. Et le 2 juin, il y a un gros rassemblement. Il y a d'ailleurs une des vidéos qui rapporte ce rassemblement-là, devant ce qu'on appelle la fêtière IRIS. Donc, c'est l'organe gestionnaire de tout le réseau IRIS. Et le réseau IRIS, c'est plusieurs hôpitaux publics de Bruxelles. Et moi qui travaille dans le privé, donc on parle du privé quand on parle du non-marchand. Pourquoi on parle à chaque fois du public et du privé? Parce que ce sont deux secteurs différents qui ont été construits comme ça dans l'histoire de la santé en Belgique. Et moi, je suis donc à Saint-Luc et assez révolté par rapport à mes conditions de travail. Pas tellement les conditions salariales. Alors, je peux revenir aussi sur le fait que les revendications premières pour les soignants, en tout cas pour les infirmiers, c'est en termes de conditions de travail plutôt qu'en termes de conditions salariales. Après, les conditions salariales touchent énormément d'autres métiers de l'hôpital. On peut y revenir aussi. N'hésitez pas à m'interrompre et à me poser des questions, parce que je pense que je ne vais pas du tout être exhaustif. Et le 2 juin, il y a donc ce grand rassemblement-là, et j'y vais, un peu en soutien à la lutte, et aussi parce que j'avais des collègues et des camarades qui y allaient. Et l'idée, à ce moment-là, est de créer, de ce noyau de lutte-là, d'essayer de répandre un petit peu la contestation et de dépasser les barrières sectorielles privées, publiques, et les barrières professionnelles, infirmiers, soignants, brancardiers, etc. Et donc on crée quand même plus qu'une grosse poignée, une grosse vingtaine, l'initiative de la santé en lutte, qui est ce mouvement parasyndical de revendicatif, composé par des travailleurs, mais pas que, parce que, comme l'a dit Anne, ça concerne effectivement également le public bénéficiaire des soins de santé, donc les patients, les futurs patients, la population de manière générale. Donc on fait une première assemblée générale avant l'été, et l'idée principale du mouvement, c'est aussi de créer et de donner la voix aux travailleurs, aux personnes concernées. Et donc, on a fort à cœur d'avoir un fonctionnement démocratique. Et donc, on fonctionne en assemblée générale. C'est une personne, une voix. Même si on vient en tant que membre d'une organisation, on ne porte pas plus de poids parce que, soi-disant, on a une organisation derrière. Ce qui permettait de mettre sur un pied d'égalité les personnes directement concernées par les conditions de travail et des personnes qui sont effectivement dans la lutte sociale, mais plutôt syndicale, et qui ne sont pas forcément des travailleurs. Ça ne veut pas dire que c'est excluant, mais au contraire qu'on donne la voix à tout le monde. Et donc, on a ces assemblées générales en plus petits comités pendant l'été, parce que bon, tout le monde connaît l'été, les gens partent en vacances. Et petit à petit, on développe ce groupe pour arriver à une grande assemblée générale en septembre, où on vote nos revendications et une première action devant le cabinet de bloc le 29 octobre. Voilà, et c'est là où le gang des vieux en colère est venu nous soutenir. Alors, en termes de revendications, on a effectivement le refinancement de la santé, de la santé de manière générale, du système de santé, l'engagement de personnel, une valorisation salariale. Et puis, on a 21 revendications qui sont là-bas. À prochaine AG, on va essayer d'écrémer un petit peu et de mettre des revendications principales, parce qu'on se rend compte que porter 21 revendications en termes de communication, c'est parfois un peu difficile. Mais on tient à cœur vraiment ces revendications-là. Pourquoi je parlais de pénurie ou de fausse pénurie ? C'est que, en fait, de diplômés sur le marché, en termes d'infirmiers et d'infirmières, il y en a assez. Sort des écoles, à part cette année-ci, parce qu'on est passé de 3 ans à 4 ans d'études, mais sort assez d'infirmiers, sauf que plus personne ne veut faire ce boulot. Donc, on a notre diplôme en poche, on exerce 3 ans, et puis on se barre. Parce que les conditions de travail sont difficiles, parce que le management est vraiment terrible, parce qu'on est rentré dans une dynamique où on est poussé à faire des actes à la chaîne, parce qu'il y a un turnover de patients dans les hôpitaux qui est très élevé et parce que c'est ça qui justifie un financement de la part de l'État. Donc, comment ça se passe ? On a des fiches de scorage où on note les actes et tous les mouvements qu'on fait. C'est comme conduire une voiture et dire à chaque fois « je tourne mon volant à gauche ». Je passe la première et on fait ça non-stop. Et avec ces feuilles-là, on retourne vers le ministère, on dit voilà, on a besoin d'autant de financement. Sauf que là-dedans, on ne compte pas le temps à tenir la main à un patient, on ne compte pas le temps à expliquer ce qui se passe, on ne compte pas le temps de l'anamnèse, en prendre en charge les problèmes sociaux, etc. C'est vraiment principalement les actes. Pourquoi il y a un turnover qui a augmenté ? Parce que les jours d'hospitalisation coûtent cher au gouvernement et c'est leur... on va dire, quand on se met dans la tête du gouvernement. Et l'idée, c'est de mettre majoritairement de pousser les directions hospitalières à mettre les patients dehors. Alors, bien sûr, on développe des structures d'hospitalisation à domicile, mais du coup, alors je peux revenir là-dessus aussi parce que c'est pas tout propre non plus, mais du coup, le turnover est très important. Tout ce qu'on doit faire en 5 jours, on doit le faire en 4 jours ou en 3 jours, parce qu'au-delà de cette, par exemple, une prothèse totale de hanche, c'est X jours d'hospitalisation. Au-delà de ça, si on n'a pas une justification de complication de la prothèse totale de hanche, il n'y a pas de financement. Donc, si on a un patient ou une patiente anxieuse ou avec un contexte social difficile, des problèmes familiaux ou tout simplement quelqu'un qui va se remettre d'une opération de manière différente que le standard, qui est dicté quelque part par des experts, experts de quoi, on ne sait pas, tous ces jours qui dépassent ne sont pas financés. Donc, on pousse vraiment la sortie des patients des hôpitaux. Bon, je vais continuer. Dans la même dynamique, on a X lits. Et ces lits dans les hôpitaux, ils doivent être remplis parce que ce sont des lits vides, ce sont des lits qui ne suscitent pas de financement. Et donc, on a une pression managériale très importante pour soit fermer des unités, comme ça on ne paye pas de personnel, pas de matériel, etc., et remplir les espaces vides, quoi. Et donc, on gère un peu ça comme des sièges à Ryanair. Il faut avoir un roulement dans les unités de manière assez intense. Et les chefs de service sont notés sur leur taux de remplissage. Donc il y a tout un management derrière qui va mettre la pression sur l'efficacité, entre guillemets, de l'hospitalisation et le taux d'occupation. Et toute cette pression nous pousse, et je me répète à ce moment-là, dans une course aux soins où est exempt de ce calcul tout le rapport humain, quoi. Bon, je pense qu'en premier tableau, c'est bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, moi. Il faut se présenter, non, on s'en fout, en fait. Ce que je voulais dire, c'est d'abord que le gang des vieux en colère n'est pas venu pour la première fois vous soutenir, c'est-à-dire soutenir la santé en lutte ou les blouses blanches. Nous avons déjà participé à plusieurs manifestations d'infirmiers, infirmières, soignants et soignants. Notamment, je pense que c'était en mars dernier, donc pas de cette année-ci, mais ou alors peut-être de cette année-ci. Et il n'y avait que des Flamands. Vous n'étiez pas là. Donc on a eu l'impression que les Flamands avaient un temps d'avance sur vous. On était un peu perdus parce qu'on était plutôt bruxellois et plutôt francophones et que le gang des vieux en colère a peu de membres néerlandophones, ce que nous regrettons. Mais nous étions donc déjà, en tant que patients, en tant surtout que futurs patients, à vous soutenir parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans les ailes gériatriques des hôpitaux, qu'en maison de repos ou en maison de repos et de soins surtout, il y a quand même beaucoup de personnel infirmier, soignant, aide-soignant qui est présent et qui est comme vous, pressé comme des citrons, qui ne peuvent pas tenir la main de la personne qui a un peu perdu la boule, qui se sent un peu désorienté, qui laisse les gens traîner dans la merde, excusez-moi du terme, pendant presque la moitié de la journée, si pas la journée, qui oblige à prendre une douche une fois par semaine ou, suivant la maison de repos ou de soins, sept fois par semaine. Mais il y a des obligations comme ça. Qui sont, tout ça, c'est insupportable. On insulte ces gens, on les bourre de neuroleptiques, alors qu'un psychologue dans chacun de ces endroits coûterait moins cher que tous ces neuroleptiques. Donc il y a en plus des solutions financières pour que vous soyez soulagés. Puis aussi, le gang des vieux en colère est très fâché parce qu'on vous prend pour des secrétaires. On vous oblige à faire des travaux administratifs sans arrêt et que pendant ce temps-là, vous ne vous occuperez pas de ceux que nous allons peut-être devenir un jour ou de ceux que nous étions avant de devenir un peu vieux et pas complètement cuit. Nous pensons donc, en tant que patients, que si on ne soutient pas cette lutte-là, on n'a rien compris. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais savoir c'était quoi le soutien du corps médical par rapport aux blouses blanches. Et puis alors, on parle du système belge où ça devient capitalisé, etc. Est-ce qu'il y a, j'ai l'impression qu'en France, dans notre pays, on parle du même type de système. Est-ce qu'il y a des exemples d'endroits où ça marche? Voilà. D'endroits où ça marche pas. Où le système médical fonctionne sans qu'on parle uniquement de rentabilité. Pour la dernière question, je n'ai pas d'exemple. Savoir que l'Union européenne a quelque part dicté des mots d'ordre de privatisation du système de la santé dans tous les pays. Et c'est ça qu'en France, ils subissent des attaques très fortes du service public. En France, tout est public et enfin, tous les hôpitaux sont publics. Après, la plupart des maisons de repos sont privées. Et pour revenir avec notre collègue des vieux en colère, oui, dans les maisons de repos, il y a, par exemple, pour reparler de la merde, les pampers, ça coûte cher. Et donc, c'est un ou deux pampers par personne, par jour. Et donc, au-delà de ça, les gens doivent traîner dans leur urine, quoi. Ouais. C'est terrible. C'est vraiment terrible. L'autre question, c'était le soutien du corps médical. Moi, je suis assez mitigé par rapport à ça, parce que d'une part, le corps médical, en tant que corps médical, fait partie d'une classe qui, par moment, oppresse le corps soignant. Alors, il y a, et franchement, on est très content des médecins qui soutiennent. Après, c'est pas la majorité. Et ils ont une condition sociale et des perspectives individuelles qui ne les poussent pas à une solidarité, entre guillemets, entre travailleurs. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des médecins dans la salle qui vont pouvoir mieux en parler que moi, mais il y a des perspectives de carrière qui permettent de se mettre dans des conditions salariales, des conditions de travail qui sont de plus en plus acceptables de par l'évolution professionnelle. Ce n'est pas vrai pour les soignants. Il n'y a pas d'évolution professionnelle possible, à moins de devenir chef, mais franchement, je n'envie pas leur boulot aux chefs de service, quoi. Et alors, pour parler des aides-soignants, voilà, c'est complètement bouché, et les autres métiers, on n'en parle même pas. Donc, la condition sociale n'est pas exactement la même, les perspectives ne sont pas les mêmes. Nous, si on n'a pas une perspective collective, notre situation ne va pas évoluer. Voilà, je pense que c'est pour répondre à la question. Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable, je peux, le méchant de droite, comme ça. Je pense que dans les... Enfin, je me demandais s'il n'y avait pas une espèce de dialectique entre ces techniques managériales, d'une part, mais qui permettent aussi d'éviter une explosion du coût des soins. Avant, à cause des mêmes techniques managériales, on hospitalisait trop longtemps parce que ça rapportait à l'hôpital. Donc, on a fini par mettre des règles. On a inventé l'ambulatoire, qui, pour un patient qui n'est pas trop atteint, est super. Hein, on entre et on sort le même jour, c'est cool. Et puis, du coup, on va peut-être trop loin dans ces techniques managériales pour éviter l'exclusion du coût des soins. Et on vous attend pour remettre le pendule un peu au milieu, quoi. Moi, je pense qu'il faut différencier les techniques managériales des techniques qui vont augmenter l'efficacité. Et donc, effectivement... autant les gestionnaires hospitaliers ont un intérêt à l'efficacité, autant dans les services, on a un intérêt aussi à l'efficacité. Donc ça, c'est évident. Après, vient avec les techniques managériales toute une pressurisation des salariés parce qu'une heure de travail coûte. Et je pense qu'il faudrait lâcher la bride en termes de dépenses salariales parce que ces heures de travail qui coûtent, c'est des heures de relations humaines avec les patients. Et donc, effectivement, l'ambulatoire, pour les petites opérations, c'est bien. Mais c'est bien aussi d'avoir du temps pour accueillir le patient, du temps pour expliquer l'intervention, du temps pour être sûr que le patient peut rentrer à domicile sur ses deux jambes, et qu'il ne soit pas lâché juste comme ça, parce qu'en fait, on est obligé de vite accueillir le suivant, vite entrer en salle d'op. Enfin, la salle d'op fonctionne comme ça. Hein. On a des procédures, alors je vais dire des chiffres au hasard, je ne les connais pas exactement, mais telle opération, c'est 2 heures. Ça, c'est la procédure. Donc, toutes les 2 heures, il faut que ça rentre, quoi. Et si un patient a besoin de plus de temps, est paniqué, tombe de la table d'op ou pèse 100 kilos... Voilà, mais toutes ces choses-là ne sont pas forcément prises en compte ou en tout cas doivent être extrêmement justifiées. Et donc, les justifications, elles sont valides pour le management seulement en termes de complications, pas en termes d'humanité. On ne peut pas dire, voilà, la patiente pleurait, j'ai pris un quart d'heure de plus. Ça, c'est pas entendable pour eux. Et du coup, on en vient à violenter les patients. J'expliquais tantôt, moi je travaille donc en chirurgie cardiaque, je fais le suivi post-opératoire à l'étage, et comme je suis comme tous mes collègues surchargés de travail, quand j'accueille un patient, j'ai mon ordinateur, et donc mon contremaître, c'est mon ordinateur. C'est là, il va me dire, pose telle question, à ce moment-là, clique là-dessus, et au fur et à mesure, avance, quoi. Donc j'ai pas du tout d'espace pour je pourrais avoir mon ordinateur d'un côté et puis l'espace de discussion, et puis je remplis au fur et à mesure mon ordinateur, mes items, en fonction de la conversation. Sauf que j'ai une masse de travail derrière, donc j'arrive et le patient dit « Bonjour, hein, vous venez pour ça, ok ?» Et je pose mes questions, tac, tac, tac, tac, et je coupe toutes les conversations. Et c'est le premier contact que le patient a avec la structure hospitalière, le premier moment où il peut s'arrêter, expliquer son mal-être, expliquer pourquoi il est là, pourquoi il est devenu malade, pourquoi dans son contexte social, il y a ceci et cela qui fait qu'il est plus malade que quelqu'un d'autre. Mais tout ça, je biffe parce que je n'ai pas le temps. Et donc, entre guillemets, Mémé a perdu son mari il y a un an. Moi, ça ne me concerne pas. En fait, si, ça me concerne profondément. Je vais sortir de là en me blindant encore un peu plus. Je vais rentrer chez moi en me disant « j'ai pas fait mon boulot de manière idéale ». Et comme j'écrivais l'autre jour, il y a une blessure. Alors certes, ce n'est pas une blessure aussi importante que le patient qui a été violenté dans ce rapport social ou la complication qui n'a pas pu être évitée. Sûr, c'est le patient qui va subir le mal de manière plus importante. Mais nous, nos petits mots, mis bout à bout, jour après jour, ça nous fait complètement craquer, quoi. Et ça, c'est ça le ras-le-bol. Et c'est pour ça que je disais que c'est, en termes pour les soignants, c'est vraiment c'est une double question. C'est, on n'a pas le temps de bien soigner en fonction de notre idéal, on n'a pas assez de personnel, on a des conditions de travail qui sont intenables. Le salaire, je ne peux pas dire le salaire, on s'en fout, parce que clairement, moi j'aurais bien gagné plus d'argent, hein, c'est évident. Mais... Alors moi, je suis à mi-temps parce que j'ai mes investissements ici. Et à mi-temps, je gagne 1300 euros. Donc pour vivre, c'est un peu juste. Hein. Je veux bien une revalorisation salariale. Mais d'abord, je veux qu'on soit plus nombreux, quoi. D'abord, je veux pouvoir avoir le temps, en fait. C'est con, hein, mais je veux juste avoir le temps. Je veux pouvoir... faire mon boulot sans courir, sans sortir de la chambre, en entendant ma patiente grommeler quelque chose, en sachant qu'elle a une demande, elle a une insécurité, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, je claque la porte, quoi. Et ça m'arrive tous les jours. Et ce matin, je travaillais, j'ai en tête des patients, des cas très concrets, où je sais très bien que ça aurait fait plaisir que je reste un quart d'heure à discuter. Parce que c'est super dur, parce que la maladie se complique, parce qu'elle ne voit pas le bout, parce que ça fait un mois qu'elle est hospitalisée, qu'elle marche de moins en moins bien, elle est en détresse totale. Il n'y a pas le temps pour ça, en fait. Et ça, c'est la violence du capitalisme, en fait. C'est que l'humanité, elle est complètement biffée. D'un point de vue médical, c'est contre-productif, parce qu'en réalité, si le patient est mal et inconfortable, il ne va pas guérir. C'est évident, mais ça, c'est pas quantifiable, en fait. D'où on va expliquer que la complication est issue d'un manque de temps humain. Alors, oui. Par contre, on se rend compte qu'il y a eu un défaut de surveillance. Et donc, du coup, on va mettre des protocoles. On met des protocoles. Ouais. Et on met des protocoles. Donc, on a des trucs encore à biffer, à mettre des croix, etc. Mais des protocoles intenables, où en fait, le simple rapport de soins va être standardisé. Et encore une fois, on va dire, voilà, pour telle pathologie, une bonne surveillance est standardisée comme ça, quoi. Mais les patients ne sont pas standards. Ils ne sont jamais standards. Non, moi je voulais savoir que plutôt que 21 revendications, pour rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au capitalisme, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une revendication qui est de sortir de la logique économique, tout ce qui est aspect non marchand de l'hôpital en fait, et c'est la même chose pour l'éducation, et c'est la même chose pour... parce que c'est ce qui a enclenché tous ces problèmes-là au final. Moi, je viens du secteur marchand, je suis allé dans le non-marchand et j'ai été surpris de voir justement que tout ce que j'ai appris comme compétences en marketing, en commerce, en management, etc., en fait, j'étais le moins largué dans ma formation puisque, en fait, toutes les personnes qui venaient du non-marchand découvraient des méthodes de travail où on agit sur les compétences et puis le reporting et, en fait, voilà, tout l'aspect informel qui n'est pas quantifiable financièrement, ça dégage. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est justement sortir de cette logique-là tous ces domaines-là, en fait. Et ça serait la revendication, en fait, à faire. Et deuxième chose, pour parler des pénuries de vocation, parce qu'en fait, les gens, il y a suffisamment d'infirmiers sur le marché, effectivement, mais il y en a qui ont plus envie d'en faire. Justement, bon, j'ai repris des études sur le tard et j'ai failli arrêter infirmier parce que en tant que stagiaire, on est vraiment malmené. Et je pense que ça vient aussi de là, parce que en tant que stagiaire, on n'est plus formé, mais on est là pour remplacer les personnes en trop, en fait. Donc on n'est pas supervisé, on est laissé livrer à nous-mêmes et puis on nous engueule tout le temps. Et donc ça, ça donne pas envie. Faut être un peu maso pour être infirmier, en fait, quelque part. Et donc il y a ça. Et puis troisième chose aussi sur laquelle je voulais rebondir, c'est sur la représentativité, parce que vous parliez des médecins et donc le corps médical. Ben, Maggie Debock était médecin. Enfin, je veux dire, il y a très peu d'infirmiers. En fait, j'ai l'impression que si au niveau de notre profession, on n'est pas du tout, représenté, mais aussi, pas solidaire, parce que c'est un peu trop fort, mais en tout cas, on n'est pas organisé, on va dire. Donc, moi, je voyais, par exemple, les kinés qui venaient en stage, ils étaient super bien encadrés. Leur corps est bien organisé, etc. Entre infirmiers, il n'y a pas vraiment, je ne ressens pas ça du tout, et ça, c'est historique, je sais bien. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être réfléchir à créer quelque chose de plus... de plus rassembleur et d'organiser un peu la profession, quoi. Voilà. Je me souviens pas de tout. Oui. Alors, clairement, je pense que l'idée de la santé en lutte, c'est de pouvoir rassembler sur des revendications, mais aussi de manière large. Et la conscience politique, elle est pas pareille chez tout le monde. Donc d'avoir une seule revendication qui serait en fait l'anticapitalisme, c'est peut-être pousser un peu loin pour l'urgence des besoins. Donc premièrement, il faut, je pense, lutter pour la priorité qui est l'engagement, le financement et... Et si on lit bien nos revendications, il y a la remise en question du management et de la pression mercantile. Quoi. Ça, c'était un point. Sur ce qui est des étudiants et des stages, catastrophique, effectivement. Mais c'est vraiment horrible. Donc, la structure hospitalière est extrêmement hiérarchique. C'est vraiment une hiérarchie assez violente. Et il faut avoir bien compris sa place. Et quand on arrive comme stagiaire, on ne connaît pas, et tout ça n'est pas expliqué à aucun moment. C'est des règles tacites, et il faut se prendre des murs pour les comprendre. Quoi. Quand on arrive dans une unité en tant que stagiaire, on ne peut pas s'asseoir où on veut. Il y a des lieux où les stagiaires sont censés s'asseoir. En général, c'est à l'écart, c'est... C'est à l'écart, c'est sur le banc en bois, c'est tu peux pas prendre tes pauses en même temps que l'équipe. Et voilà. Dans un métier où justement, moi j'étais commercial avant, où j'ai l'impression que finalement c'était plus humain, en tout cas avec les stagiaires, que dans une profession non marchande, avec vocation, etc. Donc j'étais vraiment très surpris du décalage en fait. Et de la manière dont on traitait, même au niveau du respect de base qu'on doit à un être humain, en fait, parfois il n'existait pas, quoi. Mais je comprends, c'est lié après à la pression qu'on subit en tant qu'infirmier, déjà, de base, et le burn-out, etc. Mais quand même, c'est quelque chose qui est très interpellant. Il y a eu beaucoup de gens qui, dès la première année, abandonnent leur cursus parce qu'ils voient ça, ils ont envie de faire autre chose, ils vont s'occuper d'animaux ou autre chose, quoi. Mais voilà. Et puis je suis pas très satisfait de la première réponse parce que je trouve que justement en fait il faut, c'est pas anticapitalisme comme ça parce que c'est trop théorique, mais dire de sortir des pans justement qui ne sont pas censés être marchandisables, quoi. Et donc c'est parce que le problème, c'est de toucher à chaque fois, parce qu'il y aura toujours un problème. Le problème, c'est que c'est une enveloppe fermée. On va vous dire, les ministres vont dire c'est une enveloppe fermée. Et donc, en fait, si on déshabille Pierre, c'est pour habiller Paul, etc. Et donc, on s'en sort pas, en fait, parce que donc ils vont taper dans les pensions, ou alors ils vont après taper dans l'assurance chômage. Et donc, en fait, on s'en sort jamais. Donc, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. À un moment donné, taper le capital pour récupérer l'argent, en fait, parce que l'argent s'en va, et c'est pour ça qu'il n'y a pas assez d'argent pour financer les hôpitaux et puis pour... Donc, Attends, c'est un programme politique global. Oui, mais voilà, mais tout le monde est concerné. Je veux dire, l'éducation, les soins de santé, tout ce qui est public. On sait bien qu'il y a un projet global de libéralisation de tout et qu'on n'a qu'à... Si t'as pas les moyens de te payer des bons soins ou des bonnes éducations, tant pis pour ta gueule. Hein, t'avais qu'à faire des bonnes études, hein, et comme ça, tu pourras divorcer. Mais on ne peut pas, dans le cadre actuel, avec les partenaires de négociation, qui en l'occurrence le ministère de la Santé et le gouvernement intérimaire, là, je ne sais pas quoi, on ne peut pas venir avec des revendications de « on sort le non-marchand des techniques managériales capitalistes ». Ça va être non. Et actuellement, on est dans un truc d'enveloppe, effectivement, où si on finance l'un, on définance l'autre. Voilà. Alors moi, je suis très fâché par ce discours, parce que, en tant que gang des vieux en colère, vous êtes en train de nous diviser. Vous êtes en train, cher monsieur, d'expliquer que, voilà, il faut faire attention de ne pas déshabiller Paul pour habiller machin. Non. La santé, la pension, les enveloppes. Les enveloppes, qui les a fermées? Ce sont ceux qui nous gouvernent. Bon, alors il n'y a qu'à leur dire de les rouvrir. C'est aussi simple que ça. Non, parce que c'est trop simple de dire on a fermé les enveloppes. Non. Ils ont décidé d'acheter des avions très chers pour faire semblant que la Belgique était une grande puissance, mais surtout, ah oui, non, mais vous avez beau être convaincu, vous avez eu un discours très troublant. Alors, peut-être mal compris, mais je suis en train d'essayer d'expliquer ce que vous avez voulu expliquer très mal. Alors, je l'explique mieux, voilà. C'est parce que j'ai plus d'expérience, vous savez, je pourrais être votre père, alors on s'en fout. Oui, mais enfin, les cheveux blancs, vous savez, ma femme les avait il y a 30 ans, alors non. Et j'étais très amoureux. Je ne suis pas amoureux de vous, mais enfin, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ces enveloppes, on en a tous ras-le-bol. Vraiment, que ce soit nous qui nous battons pour votre pension, et uniquement pour la vôtre, hein, pas pour nous, parce que nous, on est cuits. Donc on se bat pour vous. Et les soignants, le personnel médical, se bat pour nous, patients. C'est pour ça que nous adhérons aussi à ce mouvement. C'est parce que c'est un mouvement altruiste. Et que les seuls qui n'ont pas compris ça, ce sont ceux qui nous gouvernent. Et qui ferment des enveloppes d'une manière complètement arbitraire. C'est insupportable. Nous ne pouvons plus accepter ça. Alors, managérial, ces mots extraordinaires, c'est fabuleux, j'en ai fait partie. Et vraiment, je regrette qu'on ne m'ait pas envoyé à l'échafaud. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas bien. Il faut d'abord penser que quelqu'un qui rentre dans un hôpital, quel que soit l'âge, et en particulier les vieux que je représente, eh bien c'est quelqu'un qui est pas bien et qui a déjà un petit peu peur. Quand il y reste longtemps, il est vraiment pas bien et il a très peur. Et ça, il y a besoin de gens pour l'aider à prendre un verre d'eau, pour l'aider pour les vieux à ranger son sonotone ou sa prothèse auditive, comme on veut l'appeler, hein, moi c'est d'une autre époque. Donc tout ça, ouvrez les enveloppes, récupérez l'argent qui fout le camp dans les paradis fiscaux, les endroits offshore et tout ça, arrêtez de vous foutre de notre gueule parce que ça va mal se terminer. Voilà ce que je dis. Là-dessus. T'es d'accord? Moi, je suis. Mais j'ai juste une réaction. Hein. Attends. J'ai juste un petit problème, c'est qu'il va y avoir des vautours qui vont s'y glisser. Moi, j'étais prof pendant 20 ans, je suis toujours officiellement, et on utilise les mêmes techniques managériales à l'école parce qu'il faut les inscrits. Comme ça, on a des profs, on va maintenir l'emploi comme ça, etc., etc. Et il faut être efficace et machin, et c'est horrible, on est contrôlé. Et c'est un métier qui est devenu pour moi insupportable à cause de ça. Et donc j'ai arrêté à cause de ça. Et je suis 100% d'accord, mais le problème, c'est que les vautours se glissent dans le truc et font du business. Et donc, il faut limiter, à un moment donné, l'escalade des dépenses quand les vautours se mettent dedans. Alors, comment on fait? Nico, je voulais juste dire une phrase de Louis XIV qui disait « Prenez de l'argent aux pauvres, ils sont beaucoup plus nombreux et ils ferment leur gueule. » Mais voilà, il faut l'ouvrir. Moi, j'ai une question très spécifique dont j'ai parlé longuement ce midi avec des collègues, enfin longuement, pas si longuement, mais qui parle sur la stratégie de lutte et un peu la particularité de votre travail de ce point de vue-là. Je veux dire par là que vous êtes un peu un secteur qui est identique à certains autres, du style les gardiens. Pas sur le type de boulot. J'ai sur les... Sur les si. Non, pourquoi je veux dire ça? Gardien de prison, transport, poubelle, pompier, flic, etc. Mais pas seulement service public, mais en gros, c'est des métiers limites dans lesquels, pour lesquels l'arrêt représente un enjeu sociétal extrêmement grave, quoi. Qui font, c'est un effet levier très très puissant. En gros, si tout le monde arrête, les gens meurent, quoi. Pour le dire simplement. Mais en même temps, il y a cette exigence qui est à la fois morale et à la fois, j'imagine, légale, c'est-à-dire de faire un service minimum. Et dans quelle mesure est-ce que tu penses qu'enfreindre le service minimum n'est pas une stratégie qui est valable? Donc, c'est-à-dire de ne vraiment faire une grève, c'est-à-dire une grève totale, et encourager à cette grève totale, dans la mesure où, en plus, dans les services de soins de santé, il n'y a pas véritablement d'armée de réserve qui viendrait remplacer tous les gens qui arrêteraient de travailler. Et qu'est-ce que tu penses du fait que, du coup, cette impuissance qui est la vôtre, qui est de devoir travailler même quand on est au bout, ne peut pas, d'un certain point de vue, être en fait votre levier de lutte? C'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, j'imagine, je suppose que vous avez déjà pensé, mettre un vrai ultimatum, c'est-à-dire dans 8 jours, on veut un changement, ou alors les gens meurent, point. Tu vois? Non, mais ce qui n'est pas... Ça a l'air d'être un truc tiré par les cheveux, etc. Mais en même temps, c'est tout le problème, c'est toute l'ambivalence morale du travail de soins, qui est de dire, si moi j'arrête, c'est de ma faute si les gens gagnent, tu vois? En fait, non. C'est clairement à cause d'une certaine institutionnalisation, d'une organisation du système de santé qui font que les gens meurent. À partir du moment où si c'est toujours les travailleurs qui font porter la faute de la précarisation de la santé, je crois qu'il n'y a aucune chance pour que ça bouge. Dans quelle mesure, voilà, tu penses que... C'est ce que les firmes font, hein. Les firmes disent, tu payes plus cher ton médoc ou alors tu meurs. Et elles le font tout le temps, les firmes. Hein. Tu payes ou tu meurs. L'intérêt financier, là, l'intérêt, ce serait améliorer le système de santé, ce qui est quand même un peu différent. Voilà. Enfin, voilà, j'essaie de répondre. Alors, enfreindre le service minimum, je pense que c'est vraiment hardcore. Parce qu'on a effectivement un idéal de soins et que voilà, même menacer de laisser mourir les patients, c'est qu'on serait vraiment très très loin, quoi. Et en France, où ils sont beaucoup plus loin, ils n'ont même pas encore commencé, je ne sais pas s'ils ont envisagé ça. Mais avant ça, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Comme tu dis, rapporter la responsabilité des mauvais soins au système, aux mesures gouvernementales, au choix des directions hospitalières, c'est déjà le premier défi. Et ce défi-là, il n'est pas encore gagné. C'est-à-dire que dans les rangs des soignants, encore beaucoup sont convaincus qu'on peut tenir et qu'il en va de notre responsabilité de tenir et de faire les soins comme demandé. Si déjà on arrive à gagner ça, je pense qu'on aura un levier. Parce que le service minimum, c'est intenable pour les directions hospitalières, c'est intenable pour le gouvernement. C'est le service du dimanche. Les services du dimanche, c'est seulement les opérations urgentes, c'est pas de consultation, c'est pas de radiographie, c'est pas de scanner. En gros, le système de santé est à l'arrêt. Donc, pousser plus loin, c'est juste tuer des gens, quoi. Pas en fait, la police vient te chercher sous escorte si tu ne respectes pas le service minimum que tu devais être en service. En France, oui, ça, oui. C'est en France. Oui, oui. En Belgique, il y a pas de service minimum mais du coup, c'est pour ça aussi qu'en France, ils passent pas par là alors qu'ils sont beaucoup plus loin que nous ouais. Sur ça, quoi. Ouais. Et donc, effectivement, pour la France, il y a la réquisition. Pour le service public, chez nous, il y a la réquisition aussi. Donc, il y a des normes légales qui font qu'à un certain moment, on va être appelé. Et dans le privé, il y a la réquisition. Dans le public, il n'y a pas de service minimum. Donc, il y a un flou, là, qui fait que c'est les directions hospitalières qui doivent organiser le service minimum, mais on ne sait pas très bien sous quelle base légale. Et donc, là, il y a un levier de... Clairement, à Saint-Pierre, ils ont fermé des unités aujourd'hui. Les maternités étaient fermées. Donc, il n'y avait pas de service minimum. Ils ont délocalisé sur l'hôpital d'Ixelles et Torbec. Moi, je pensais plutôt en ce sens-là, c'est-à-dire évidemment, je ne souhaite pas que les gens fassent mourir les autres. C'est pas ça. Mais la menace de dire, parce que c'est ça, je pense, la logique d'ultimatum, qui est un peu une logique pernicieuse, un peu militaire comme ça, mais qui est de dire à cette date-là, c'est si vous ne faites rien à cette date-là, c'est vous qui. Ça, c'est une espèce de renversement de la responsabilité en disant. Là, on vous a demandé quelque chose de très clair qui est possible et vous avez fait le choix de ne pas assumer ce qu'on vous demande, de ne pas agir, etc. Donc, vous portez la responsabilité des morts et s'il n'y a pas de morts, en tout cas de notre réquisition militaire anti-libertaire, etc. Ouais. Tu vois ? Juste pour répondre directement, oui, je pense que c'est un très beau plan. J'aimerais bien qu'on y arrive. Par contre, ça va demander, et donc c'est là où on idéalise peut-être les solutions de lutte, c'est qu'il faut un niveau de mobilisation énorme, énorme, énorme, énorme, énorme. Et il faut pouvoir tenir ce genre d'ultimatum. Et on n'y est pas encore, quoi. On n'y est vraiment pas encore. Ça, c'est vraiment le début du mouvement. Et c'est ça aussi que la santé en lutte essaye de tenir. C'est une lutte sur une longue haleine de mobilisation et de renversement de la responsabilité. Parce qu'il y a une culpabilité aussi dans le chef des soignants d'être cette dernière personne en contact direct avec les patients qui... Si on ne fait pas notre boulot, personne ne le fera. Mais nous, on peut compenser beaucoup de jobs, quoi. Et donc, on a ce lien qui fait qu'on se sent responsable. Et donc, déjà, tout ce travail de mobilisation, de renversement du discours doit être fait, mener des luttes dans les différents hôpitaux. Là, pour l'instant, on est fort concentré sur le service public, on est fort concentré sur le secteur public, pardon, et fort concentré sur Bruxelles. Et il y a encore beaucoup de terrain à gagner avant d'arriver à une mobilisation qui pourrait nous mettre dans l'état de faire ce genre d'ultimatum. Mais oui, j'espère... Vous aurez tous les médias contre vous, ils vont dire « honteux, ignoble chantage ». Juste pour répondre à ça, en France, ils sont dans un niveau de mobilisation qui est... je n'ai pas vu ça ailleurs en Europe. Et il y a, dernier chiffre, 80% de la population qui soutient le mouvement. Alors que il y a des hôpitaux qui sont clairement en grève de longue haleine. Hein. Ce n'est pas juste comme on connaît ici en Belgique, une journée de grève par-ci, une journée de par-là. Et ça fait des mois qu'ils sont en grève. Hein. Et effectivement, le service rendu à la population est en nette diminution du fait de cette mobilisation aussi. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y aura un renversement de l'opinion publique qui est pour l'instant très favorable et même quand, avec cet exemple français, ça nous conforte dans l'idée que l'opinion publique comprend pourquoi on lutte, quoi. Moi, je voulais dire, face à l'impossibilité de cet argument qui est de laisser mourir les gens, qui est pourtant très pertinent, hein, mais voilà, il y a quand même les patients. Et je veux dire, nous tous... On a vu en France un truc qui a marqué les esprits, qui a marqué les médias aussi. Il y a un homme ou il y a une personne qui est morte dans un couloir. Elle était dans son lit d'hôpital et simplement tout le monde était trop occupé. C'est de la faute à personne, c'est de la faute au système. Elle est morte dans ce couloir en fait parce que personne n'était là pour s'en occuper, parce que les gens étaient occupés ailleurs. Et en fait, je pense que la force de ce combat-ci, c'est qu'on est tous... personne d'entre nous n'a envie de mourir dans un couloir, tu vois. Et donc, je pense que c'est là qu'il faut mobiliser monsieur et madame tout le monde qui ne sont pas des blouses blanches, parce que nous, on peut dire... Peut-être que vous ne pouvez pas, sûrement que vous ne pouvez pas nous laisser mourir dans un hôpital, mais nous, on peut dire qu'on n'a pas envie de mourir dans un hôpital. Et que même quand vous n'êtes pas en grève, je veux dire, ici, c'est marqué, ici et là, il y a des témoignages de gens qui disent qu'il y a eu des accidents, il y a eu des choses comme ça qui sont arrivées. Juste, et il y a eu Aline Dieudonné qui a témoigné à la radio cette semaine. Il y a un bébé qui est mort, c'est la faute à personne, c'est juste qu'il y avait... trois infirmières pour 11 bébés et que les infirmières étaient occupées ailleurs et que ce bébé-là, pendant ce temps, il était en train de s'éteindre et que personne n'était dans la salle des monitoring et personne n'a vu que le cœur s'arrêtait et il est mort. Et donc, en fait, il n'y a même pas besoin d'une grève pour dire que le système est en train de nous tuer, tu vois. Enfin, et donc, je pense que votre force, c'est que vous pouvez justement mobiliser les vieux en colère, mais pas que les vieux en colère, nous, enfin n'importe qui, parce que personne d'entre nous n'a envie d'être traité comme ça, en fait. Ce que je veux dire, c'est que il me semble que dans tous les combats des travailleurs, on a le même scénario, le capital contre soi. Dans les usines sidérurgistes, dans les mines, partout, c'est les mêmes luttes. Et on ne peut faire qu'une chose, c'est se mobiliser, et je trouve que c'est très bien ce que la santé en lutte fait, c'est un combat de longue haleine, de conscientiser toute la population, et ça prend du temps. Et je prends l'exemple du Chili, pour des gens qui ont mon âge, qui avons connu le Chili jusqu'en 1973, il y a un mois, des amis chiliens me disaient « C'est l'individualisme le plus complet dans le pays, on ne sait rien faire. » Et maintenant, voilà jeunesse qui chante les chansons de Victor Parra et qui sont tous dans la lutte avec une certaine unité. Donc la conscientisation vient et c'est une lutte de longue haleine, de tous les secteurs. Et celui qui pense qu'on pourra avec un truc, arriver à un changement, on n'y arrivera pas. Il faut mener la lutte. Et je reprends ce que Bertolt Brecht dit, ceux qui luttent peuvent gagner, ceux qui ne luttent pas sont sûrs de perdre. Moi, je suis une question, mais je voulais revenir à... En effet, pour mener des actions aussi radicales que le service minimum, il faut sans doute forcément une mobilisation au sein même de l'hôpital assez importante. Et qu'est-ce qu'il en est en fait de ça? Est-ce que vous sentez, tu disais que l'institution de l'hôpital était très hiérarchisée, est-ce que vous sentez des élans de solidarité qui viennent d'en haut? Alors, c'est sûr que dans les médias, pavanent les directions hospitalières en disant « main sur le cœur, nous sommes avec vous ». Mais ils sont responsables de nos conditions de travail. Et donc, ils sont main sur le cœur avec nous parce qu'ils veulent aussi plus de financement, mais pour faire tourner leur hôpital. Je pense... Il y a une institution en France avec des médecins, avec des chirurgiens, avec des gens qui disent qu'il faut forcément continuer cette lutte, qu'il faut l'approfondir, ouais, et qu'il faut être rejoint. Enfin, il n'y a rien de concret qui s'organise avec des sphères plus hautes dans l'hôpital. Là-dessus... Le contexte français, encore une fois, n'est pas pareil qu'en en Belgique. En France, tous les hôpitaux sont publics et les mesures budgétaires touchent les médecins également. Nous, on est avec une composante du privé assez importante où, encore une fois, on peut facilement aller dans un autre hôpital chercher un salaire plus gros. Donc, je pense que quand la situation du secteur de la santé sera encore moins bonne, où ces corps médicaux ou ces sphères supérieures, on va dire, seront touchés par les mesures budgétaires, à ce moment-là, ils viendront se joindre à nous. Mais je pense que, comme dans beaucoup de luttes, à moins de faire un travail de réflexion personnelle, c'est souvent les conditions sociales, les conditions de travail et les conditions salariales qui nous poussent, en fait, à sortir dans la rue. On sort dans la rue pas par plaisir, hein. C'est vraiment parce que nos conditions sont difficiles, voire invivables pour certains et certaines, et on n'a qu'un seul choix, c'est de lutter pour des meilleures conditions. Et donc, tant que ça n'arrive pas, dans ces sphères-là, je ne vois pas comment, à part des initiatives plus individuelles de personnes conscientisées, on ait un réel mouvement, on va dire, de tout un corps professionnel en faveur. Quoi. C'est que l'idée d'arriver avec la menace, On va sortir des hôpitaux, puis on va laisser mourir les gens si vous ne faites rien. Je trouve ça une idée très amusante, mais extrêmement dangereuse. Tout à l'heure, un autre gangster en colère vous a parlé de ce qui se passait au Chili, de ce qui s'est toujours passé dans les milieux ouvriers. Il faut savoir que dans la lutte ouvrière d'il y a longtemps, l'ultime menace était d'éteindre les hauts fourneaux. Elle n'était quasi jamais employée. Pour une simple raison, c'est que éteindre les hauts fourneaux, ça voulait dire des mois pour les rallumer. Ça voulait dire un danger de beaucoup de morts par des explosions. Et ça voulait dire que si on mettait cette menace sur le nez des gouvernants, eh bien, on devait aussi avoir le courage de passer à l'exécution. Et je pense que le message qui est passé sur nos chaînes d'une de vos compagnons, compagnonnes, avec l'histoire qu'elle a relatée du bébé qui est mort parce qu'on n'a pas eu le temps de regarder le monitoring, on a dépassé la menace. Et c'est ça, je pense, que vous devez mettre en évidence. C'est que tous les jours, il y a des gens, des jeunes, des vieux, des plus vieux, tous les jours, il y a des gens qui meurent parce que vous n'avez pas eu le temps de les voir, de vous en occuper. Et parce que les patrons des hôpitaux ont fait des fautes très graves et méritent la prison. Mais ça, il faut le dire. Il faut dire que nos cousins, nos frères, nos sœurs sont en train de mourir dans les hôpitaux parce qu'on ne vous donne pas le temps de veiller sur eux. Ça, il faut le dire. Il faut le dire que ceux qui ne vous donnent pas le temps doivent aller en prison parce que ce sont des criminels. Si vous ne dites pas ça, on ne vous écoutera pas. Mais juste pour rebondir par rapport à ça, effectivement, il y a une sorte de omerta dans l'hôpital où on va couvrir les déficits de soins, les erreurs médicales et ce genre de choses-là, parce que tout le monde sait bien entre nous que c'est la faute à pas de chance, que l'expliquer comme ça à la famille, c'est insupportable. Et que du coup, on va juste dire, bon, ben voilà, il a fait une complication untel, on n'a rien pu faire. Et donc, ça arrive, je ne veux pas dire quotidiennement, mais assez régulièrement dans tous les hôpitaux de Belgique, qu'il y ait pas le médecin au bon moment, pas l'infirmière disponible, et on n'a pas vu la chose arriver, donc ça c'est sûr. Pour revenir au soutien des directions hospitalières, à savoir que, par exemple, pour la grève d'aujourd'hui, du secteur public, donc les hôpitaux Iris, il y a eu donc une grève assez importante pour, en tout cas, Saint-Pierre et Bruckmann, et les directions hospitalières qui, sur un plateau TV, hier, disait qu'il nous soutenait et qu'il rejoignait nos revendications. On fait de la pression en interne pour culpabiliser les grévistes, pour en félicitant les non-grévistes, en dissuadant les gens de faire grève. Donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a tout un discours assez rose et violet de la part de ceux qui sont en fait responsables des conditions de travail et qui vont en interne avoir un langage beaucoup plus dur et même assez violent. Donc on n'est pas dupe en tant que travailleur. Alors je pense qu'il y a encore une partie de la population qui est entre guillemets dupe, mais c'est parce qu'elle n'a pas l'information. Les directions hospitalières ne nous soutiennent pas. Ça, c'est évident. Est-ce que je peux demander comment vous communiquez ? Parce qu'aujourd'hui, j'étais encore dans un hôpital public, dans un service kiné qui n'est pas le service des infirmiers. Mais d'abord, je n'ai pas ressenti du tout qu'il y avait une grève. Et en parlant avec la kiné qui me soignait, et je parlais de la réunion de ce soir, et c'est « Ah bon ? Et ils veulent faire quoi ? Et c'est quoi ? C'est qui ? Ah, ce serait sympa que vous me rameniez les infos. » Mais ils n'ont pas l'air d'être au courant. Et c'est dans le secteur de Saint-Pierre, hein, donc je suis quand même un peu ahurie d'entendre ça. Et oui, on a un travail de mobilisation à faire et je pense que toutes les forces sont les bienvenues pour faire ce travail-là. Il faut aller dans les unités et il faut mettre au courant. On ne peut bien sûr pas compter sur les directions hospitalières pour annoncer une grève. Au contraire, ils vont la minimiser. Ils font des circulaires en interne en disant « tout roule très bien chez nous, ne vous inquiétez pas », etc. etc. Ils essayent de communiquer ça dans les médias. Notre hôpital, moi je connais un directeur d'hôpital qui a été lors des mardis des blouses blanches et tout ça avant les vacances dans les hôpitaux, dire oui, certes, il y a des mouvements sociaux dans tel et tel hôpital, mais mon hôpital n'est pas concerné. Et donc, c'est aussi une histoire d'image parce que les patientèles, aujourd'hui, c'est la chasse à la patientèle. Donc, comme il faut remplir les hôpitaux, il faut prendre les patients des autres hôpitaux. Et donc, parce que les patients sont assez limités, hein, tout le monde n'est pas malade. Du coup, comment on va chercher les patients dans les autres hôpitaux? Ben, on dit que chez nous, on est très bien soignés, il n'y a pas de mouvement de grogne, les travailleurs sont très contents. D'ailleurs, on a un pôle de chirurgie cardiaque extraordinaire chez nous. On va ouvrir un nouveau centre d'oncologie qui va pouvoir concurrencer la référence. Quand on dit oncologie, on pense tous à Bordeaux, en tout cas ceux qui connaissent un peu le milieu. Les autres hôpitaux, les grosses, entre guillemets, les nouveaux réseaux d'hôpitaux, hein, je peux parler des réseaux aussi, c'est intéressant, développent des services concurrents pour aller chercher les patientèles dans les autres hôpitaux. Et c'est à grand renfort de nouveaux logos, c'est à grand renfort de campagnes de publicité et tout ça. Et je suis dans un hôpital qui excelle là-dedans. Et je ne vais pas trop m'étendre, parce que je risque pour mon emploi. Parce qu'ils ont besoin de la chambre. Oui, j'ai vécu le cas. Oui, tu dis quoi? On ne l'a pas entendu au début. Je dis, mais qui tout à coup mettent les gens en pleine nuit, alors qu'ils sont avec 3 piqûres de morphine, en disant, mais vous pouvez rentrer chez vous, prenez votre voiture, il n'y a rien. Et qui le lendemain se retrouvent avec une obstruction intestinale, à revenir quand même à l'hôpital. Ah, mais on a besoin de la chambre. Parce que ça fait une entrée, une sortie très... voilà, ouais. Ça fait deux fois la chambre, hein, ça fait deux fois le coup. Et donc, petite anecdote dans ce sens-là, on a un patient qui vient de décéder, les affaires ne sont pas encore enlevées de la chambre, la famille n'est pas encore venue récupérer, tout le monde est en deuil, bien évidemment, on a besoin de la chambre, il y a une entrée, une urgence qui va arriver, on doit pousser tout le monde dehors. C'est horrible, en fait, de faire ça. C'est horrible pour les familles, mais c'est horrible pour nous qui devons le faire, quoi. Et nous, on est poussés derrière, parce que le nouveau, il arrive, on le met où? On ne va pas le garer dans le couloir, quoi. Et du coup, on est un peu pressant, voire oppressant avec... Pourquoi tu t'es jamais fâché à un moment donné de dire « ça suffit tout ce bazar ». Enfin, je comprends bien que c'est difficile, hein, mais... Oui, oui, mais là, entre guillemets, on se fâche tous, mais au moment même, en fait, on est tenu. On est tenu par l'accueil du nouveau patient, on est tenu par... En fait, on n'a pas forcément de contre-maître comme on avait à l'usine qui nous dit « il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça ». On a tous des flux qui nous imposent, en fait, ce rythme de travail. Quand on nous transfère un patient dans une chambre qui n'est pas encore vide, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas pousser le patient dans le couloir en disant ben, « retourne d'où tu viens ». Non, et je dois accueillir ce patient. Donc, je dois faire pression sur le personnel de l'entretien ménager en dire « nettoie vite la chambre, là j'en ai besoin ». Je l'ai fait encore il y a deux jours, quoi. Ouais, je dois partir, il est 15h, machin, brôle. Ouais, la famille, enfin, le patient part dans 5 minutes. Si tu peux attendre un peu, tu peux faire la chambre directement après. Et du coup, moi, je peux accueillir mon entrée. Voilà, et donc on négocie entre nous. Et on est tous les contremaîtres de nos collègues. C'est ma collègue, et moi je suis furibard quand ils font ça, de dire ouais, t'as pas bien rempli. Donc il y a des périodes de scorage qui sont référents pour le financement. Tous les X temps, on a quelque part comme des audits qui va venir analyser tous nos dossiers et prendre cette période-là pour justifier le financement. Et donc moi je leur dis, vos grades papier, là, ça, enfin, je m'en fous, quoi. Mes collègues me disent très clairement, Denis, si tu ne fais pas bien ton grade papier, on ne va pas avoir d'argent, quoi. Et donc, on rentre dans cette dynamique-là. On est tous en train de surveiller nos collègues, à faire pression, et on est dans un délire collectif. Bon, c'est un peu gros de l'appeler délire collectif, mais on est en tout cas tous dans cette mentalité-là où il faut absolument tenir, il faut donner son maximum, parce que sinon ça va se répercuter sur ma collègue. Je vais vite prendre en charge la nouvelle remontée de soins parce que ma collègue, elle doit au moins bouffer pendant 10 minutes. Enfin, on est tous en train de compenser et tenir. Le mot d'ordre pour l'hôpital, c'est qu'il tient. Et là, en fait, c'est en train de craquer. Et c'est pour ça que les gens sont dans la rue. C'est pas parce que tout d'un coup, on s'est dit, on veut plus de thunes. Non, c'est parce que ça tient plus, quoi. Tu dis là, ma sœur a travaillé dans le même hôpital que toi. Elle était instrumentiste en salle d'op. Elle est partie. À force de se prendre le chou avec les chefs de service et les collègues qui remettent les erreurs à gauche et à droite, elle est partie. Après 20 ans, elle a quitté son boulot et elle est dans un autre hôpital où elle fait le même travail et où, visiblement, elle est plus heureuse et où l'humain gagne du terrain. Mais elle est partie à Namur, au CHR de Namur, ou au CHU, je ne sais pas. Enfin, soit. Mais comment ? Il y a des écoles de la direction super, mais les techniques managériales ont tendance à s'imposer partout, surtout dans les grandes villes. Et effectivement, à la campagne, ça se passe de façon plus détendue. En France, dans la campagne, il n'y a plus d'hôpitaux, c'est plus simple. Non, mais il faut quand même... Il faut quand même tu voulais dire quelque chose ? Ouais, ouais. Attends, mais... d'abord, parce qu'elle n'a pas... Mais j'ai une question, en fait. Je voulais savoir si les organisations syndicales vous étaient en appui. Enfin, est-ce que vous... Parce que j'ai l'impression que les blouses blanches... Enfin, la santé en lutte s'est développée indépendamment des organisations syndicales. Je voulais savoir quel était le lien que vous aviez avec celle-ci. Est-ce que c'est un support pour vous ? Est-ce que... Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup d'affiliés, d'ailleurs, parmi le personnel de santé ? J'imagine pas parmi les médecins, évidemment. Mais bon, en tout cas, via les... chez les infirmiers ou les aides-soignants. Et mon autre question qui est corrélée, c'est finalement comment nous, on peut prioritairement vous aider ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez surtout besoin d'un soutien financier à travers des caisses de grève ? Qu'est-ce qui empêche les infirmiers, le corps soignant de se mobiliser ? Est-ce que c'est un manque de temps ? Est-ce que c'est un manque d'argent ? Est-ce que c'est un manque d'informations ? Donc comment est-ce qu'on peut, nous, vous aider par rapport à ça. Quand vous dites nous, vous êtes qui ? Ah, ben moi en tant que moi, mais sinon, je travaille à l'ARC aussi comme chargée de recherche. C'est les gens, quoi. Qu'est-ce que... Nous, les gens. Non, mais je pense effectivement que le point qui a été soulevé par Michel est un angle qu'il faut vraiment approfondir, c'est-à-dire de sensibiliser le public. Le futur patient, le patient, tout celui qui met sa vie en jeu. Et c'est eux qui doivent soutenir tout le reste. Maintenant, savoir comment, ça c'est encore autre chose, mais... Oui, on a le soutien de certaines centrales syndicales, mais vraiment bienvenue. On a besoin des syndicats, on leur fait des appels de pied. Hein. Ça ne fait pas écho dans toutes les centrales syndicales et pour tous les syndicats, mais voilà... Je pense que ce qu'on fait ne correspond pas à la tradition syndicale. C'est-à-dire qu'on essaie de faire un mouvement intersectoriel et interprofessionnel. Enfin, interprofessionnel, ça, les syndicats, ils font bien. Mais il faut réussir à mettre d'accord ou autour de la table des centrales syndicales qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, que ce soit du côté du public ou du privé, que ce soit les chapelles, hein, vert, rouge, les bleus, n'en parlons pas, mais voilà. Et alors la deuxième question, c'est le soutien financier. Ben, oui, c'est évident, on a besoin de caisse de grève, d'argent dans la caisse de grève. Et par exemple, l'entretien ménager de Bruckmann est sur une grève qui est normalement... est reconductible, ils gèrent ça en assemblée générale avec les travailleurs, donc c'est vraiment eux qui décident de la continuité de la grève ou pas, mais ils sont sur une lutte assez longue pour une revalorisation de leur salaire, et voilà, ils font des caisses de soutien. Il y en a une là, si vous voulez, on vend des t-shirts aussi qui peut servir à ça. Venir à nos événements, on a fait une soirée de soutien, en parler autour de vous, venir à notre assemblée générale. On fait une assemblée générale tous les 2 mois. La prochaine assemblée générale, c'est demain. C'est demain au Piano Fabrique à 18h. Tout le monde sait où le Piano Fabrique ? Rue du Fort, numéro 35, à Saint-Gilles. Voilà, dans l'Assemblée Générale, tout le monde peut s'impliquer. En fait, toutes les personnes qui sont concernées par, on va dire de manière grosso modo, le définancement de la santé, qu'on soit en travailleur ou qu'on soit bénéficiaire ou citoyen. Et il y a énormément de travail à abattre. C'est par exemple la mobilisation, aller faire des tractages, afficher, faire des affiches, ça prend du temps, gérer tout ce qui est communication, etc. Mais donc voilà, on avait commandé 1000 autocollants, ils sont partis comme des petits pains, on en a recommandé 7500, ça a un coût aussi tout ça, et voilà, on est autofinancé, donc n'hésitez pas à prendre quelques stickers et à mettre des petites pièces, même les toutes petites pièces, c'est bon aussi. Ce sera plus que bienvenu et ça sera bien utilisé. Bon, une dernière là, monsieur, vous vouliez dire. Je voulais dire que je ne pense pas que les hôpitaux en province soient la panacée. Les soins de santé sont meilleurs dans les hôpitaux universitaires en général. J'ai pu l'expérimenter et je le vois autour de moi. Deuxièmement, une des tragédies, c'est qu'il y a des classes en Belgique et que les gens fortunés ont des assurances, vont dans des hôpitaux où ils sont bien soignés, et c'est ces gens-là qui décident du sort de tous. Et dans le fameux reportage magnifique qu'on a vu à la TV, on a écouté à la radio avec ce bébé qui était mort, ça se termine en disant ceux qui décident ont des fortes assurances privées pour avoir des soins de santé. Et quand je parle avec des médecins et des chirurgiens, ils me disent, par exemple, le chirurgien qui m'a soigné, qui m'a opéré la semaine dernière, à Saint-Pierre, il me dit, la situation est difficile ici, et une partie du temps, je vais dans le privé, parce que c'est mieux, j'ai plus de liberté, et plus de finances. Et donc, c'est les classes sociales, c'est la lutte des classes qu'il faut dans ce pays. Ça revient sur le fait de la stratégie individuelle du corps médical. Ça peut changer. Je ne suis pas personnellement fermé, mais je pense que c'est un état de fait. Par rapport à cette classe sociale qui a les moyens de se payer des assurances, il y a effectivement une classe d'hôpitaux qui reçoit. Donc on a bien sûr à Delta le nouvel hôpital du Chirec où pour être opéré par le chirurgien entre guillemets en chef ou responsable, etc., il faut allonger, quoi. Et il faut bien allonger. Et ces allonges ne sont pas forcément... Oh, je vais m'arrêter là. Et là-bas, toutes les chambres, enfin presque toutes les chambres, je ne sais pas si c'est toutes les chambres ou presque toutes les chambres, sont des privées. C'est des chambres individuelles. Et donc, avec une facture, on facture 300% les chambres, à savoir que le médecin qui fait une consultation chez un patient qui est en chambre privée, il est aussi surpayé. C'est pas seulement la chambre. Et donc, pour vraiment se rendre compte, un médecin qui rentre dans la chambre d'un patient, lui serre la main en tant que spécialiste et lui dit « il n'y a pas de problème avec ça ?» C'est une consultation. C'est compté comme des consultations. La diabétologue qui ne voit pas le patient, qui consulte le dossier pour donner un avis diabéto, c'est une consultation. Donc, c'est grave, quoi. C'est grave, même pas voir le patient, c'est grave. Ça risque de changer quand même un petit peu, parce que je discutais avec un assureur il y a peu, et même la Rolls des assurances ne va plus assurer, pour les nouveaux membres, les chambres privées. Hein. Oui, l'année carrée, c'est moins maintenant. Oui. Il y a une question. Je viens d'entendre, vous avez dit, par exemple, moi, je dois payer une facture assez très élevée, mais j'étais à l'hôpital pendant 3 jours, même... Je dois sortir à midi. Je n'ai pas sorti à midi. C'est une journée de plus. Oui, une journée de plus que je dois payer. Et ils m'ont dit, en tout cas, madame, vous êtes là. Mais je n'ai pas eu la diététicienne, mais je ne l'ai pas connue, je ne l'ai pas vue. Mais je dois payer son... Oui, il a donné un avis. Mais, oui, il a donné un avis. Et moi, j'ai dit, je ne les connais pas. Et ça, c'est vraiment... En tout cas, moi, je me suis renseignée. Ce n'est pas trop loin. C'est ici, tout près au... l'hôpital, la clinique universitaire Saint-Jean. Et dans le temps, ce n'était pas comme ça. C'était plus cher ici. C'était plus pas économique ici à Saint-Étienne qui ont changé. Mais il y avait bien une clinique presque privée. Et les quartiers, ce n'est pas un quartier riche. La majorité des gens sont d'ici, de la communauté turque, marocain ou étrangère. Et ça coûte cher. Mais je pense que nous, comme citoyens, on est concernés à ces luttes, pas seulement les gens qui, selon mon idée, c'est pas seulement les gens qui travaillent, c'est plus nous, les gens qui on est à l'extérieur, comme citoyens, on est concernés parce qu'on est en train de perdre des droits qui ont été acquis dans les temps. Et c'est pas seulement dans la santé, aussi dans l'éducation, dans tous les niveaux, on est en train de nous tirer ça que dans les temps on était gagné. Les grands-parents, les parents, ils ont lutté pour ça. Et je pense que ça, c'est la réalité ici, en Belgique, et c'est assez étrange, quand même. Ouais, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Effectivement, il y a plein de raisons pour être en colère, et tous ces acquis sociaux qu'on essaye maintenant, bout à bout, de nous enlever. Pour revenir avec votre exemple de la journée d'hospitalisation, chez nous, on a un mot d'ordre très clair, il faut faire sortir les patients avant 11h. Pourquoi ? Vous allez payer la journée d'hospitalisation. Ce n'est pas ça vraiment le tracas, si ça ne portait pas à conséquence. Sauf que nous, dans nos chiffres, c'est très mauvais. Parce que qu'est-ce qu'il faut ? Il faut un nombre de journées X par pathologie. Et donc, en termes de statistiques, compter à chaque fois une journée d'hospitalisation supplémentaire pour des hospitalisations type, ça plombe les statistiques de l'hôpital. Et donc, on se retrouve dans des systèmes où, par exemple, aux soins intensifs, on a... donc aussi, c'est par 24 heures d'hospitalisation. Et il faut avoir un minimum, en termes de statistiques, de ces jours-là. Ou en tout cas, un chiffre standard. Et donc, si on sort de salle d'op à 22 heures, qu'on arrive aux soins intensifs à 23 heures, on compte 24 heures d'hospitalisation, le patient, on va le remonter à l'étage... Parfois à 21h ou 22h. Mais l'infirmière, elle est toute seule la nuit. Hein, et elle accueille une remontée de soins intensifs. Donc un patient qui est censé stable, mais fraîchement stable. Quoi. Et on se retrouve dans des trucs ahurissants comme ça, juste pour des questions de statistiques et de chiffres. Quoi. Parce qu'à l'hôpital, ici, en tout cas, quand j'étais en urgence, j'étais l'après-midi. Il y avait des gens, 3-4, et après, l'après-midi, ça a remonté. C'est un dimanche. Et tous, on était dans les couloirs. En attendant une chambre, comme vous avez dit. Et ça compte. Du moment qu'on rentre à l'hôpital jusqu'à la sortie, c'est l'argent. Je me souviens, en tant que stagiaire, pour notre groupe, qu'il y avait aussi des petites tensions entre services, parce que quand quelqu'un arrivait aux urgences, on faisait croire que c'était par rapport à telle pathologie pour le ramener à tel service. Et en fait, le patient arrivé, ça n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient dit parce qu'il fallait trouver une chambre pour ne pas le laisser dans tel endroit. Et donc ça, c'est clairement ce problème que vous dénoncez. Moi, je trouve ça assez incroyable qu'on en arrive là. Mais effectivement, c'est... Enfin, voilà. C'est terrible.